Bonjour les amateurs de musique, et c'est l'émission Terra Incognita ce samedi soir en compagnie de Bruno France et Jean-François. Et ce soir, on va parler principalement de beaucoup de choses, mais de deux choses importantes, c'est-à-dire une très triste et une autre assez joyeuse, c'est-à-dire la venue de Steven Wilson à Québec. Et la chose très triste, ben, c'est le décès de Chris Squire. Il en a été abondamment question lors de l'émission de Jacques Dulac qui vient de se terminer. En fait, c'est une émission totalement consacrée à Chris Squire et tout ce qui gravite autour. Mais avant, un beau bonjour à Bruno qu'on vient juste de voir arriver. Et ben, salut France. Salut Jean-François et Bruno. Et ben, comme on disait tantôt, on va jaser sûrement beaucoup de Steven Wilson, et il y a tellement à dire. Mais ce concert assez incroyable aussi qui a eu lieu, mais aussi tout ce qui s'est passé autour, on va pouvoir jaser de ça en long et en large. Mais revenons sur Chris Squire, qui malheureusement, tu m'as appris la nouvelle, en fait c'est toi la maniaque, pas maniaque, mais disons... amateur de Facebook qui m'est arrivé avec la nouvelle dimanche avant midi. Terrible nouvelle. Oui, terrible nouvelle. Mort d'une leucémie fulgurante, disons que ça nous a un petit peu scié les jambes, parce que bon, il semblerait que sur la page Facebook, il y en avait été question, la page Facebook du groupe, mais même toi, ça t'avait échappé. Et bon, donc il y avait une tournée estivale et automnale qui était prévue. Et comme le disait Jacques, c'est Billy Sherwood qui va le remplacer, je pense. Across to the Edge. Entre autres. Mais il y avait aussi une tournée estivale. Et ben c'est un bassiste qui a été influent. Et puisqu'on parle de Steven Wilson, sur son disque, le dernier album en studio qu'il a fait, je faisais remarquer à Jacques Dulac que la basse sonnait extrêmement comme Chris Squire, et même Nick Begg l'a joué de cette façon-là, qui a des sonorités toutes squireriennes, si on peut dire. Et ben, on va entendre une petite pièce de Chris Squire qu'on a entendue, c'est-à-dire Hold Out Your Hand. Pour souligner disons cette disparition qui nous a pris par surprise et pour laquelle on n'est pas encore venu. On est triste parce que c'est un musicien extrêmement influent, extrêmement important, qui a marqué autant notre enfance que notre vie adulte. Et ben, faut dire aussi que Fish Out of Water, je pense que c'est le meilleur album solo qui a été fait par un musicien de Yes, en tout cas à mon goût. Et bon, Steven Wilson, bon, on pourra en parler dans un autre bloc, le temps file. Et ben, on va écouter un petit peu de musique prog avec les Samurai of Prog, un nouveau disque qui s'appelle Imperial Hotel. On va entendre Limoncello et Proud Present, qui est un groupe américain, pardon, avec un disque qui s'appelle Flight. Et C'est un groupe qui nous est présenté par le magazine Progressiste, qui sort toujours son album Sampler. Et cette pièce-là, ben, c'est assez représentatif là, de ce qu'est Flight, avec la pièce Prisoner. Mais on va l'écouter, puis on vous reviendra dans le bloc suivant. Suddenly the air is filled with notes of citronella. Could this be the time for limoncello? Isn't this the time for limoncello? Playing with the morning sun of me, yum, yum. Driven by the bitter winds behind me. Chucking out the new in favor of the old. Checking out the lights of those before me. Sitting like a lemon on a station by a river, citronella in me.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bière bouteille, 8 bières en fût. 10 bières bouteille, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromages, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Ici Jessie Caleb. Ce samedi de 13h à 14h, CKRL vous fait vivre l'événement Mondo Carnaval en plein cœur du lieu historique national Quartier Brébeuf. Deux jours, 40 spectacles, 30 pays, 400 artistes, on ne manquera rien. Les porte-paroles Marie-Ème et Luc Boivin seront avec nous. Soyez à l'écoute. Vous écoutez CKRL 89.1. Vous écoutez CKRL 89.1. Ben, laisse-moi d'en parler, toi. J'allais le dire. Vous écoutez Terrain Incognita jusqu'à minuit et vous êtes en compagnie de Bruno, France et Jean-François. Et ben, je pense que c'était pas mauvais. Ce qu'on a entendu, Proud Peasant, c'est un groupe qu'on peut découvrir avec le nouveau Progressis, le numéro 80, le disque Sampler. Et c'est un album qui s'appelle Flight. Et juste avant, on a entendu Chris Squire de l'album Fish Out of Water. Et on avait débuté avec les Samurai of Prog qui, avec leur Imperial Hotel, nous offrent leur premier disque qui contient pas de cover, avec des invités prestigieux, comme d'habitude. Et on va poursuivre le deuxième bloc avec un groupe que tu aimes bien, c'est-à-dire Gaspacho. J'aime beaucoup ce groupe-là. Oui, nous allons faire un disque qui s'appelle Night of the Demon. C'est pas un album qui contient du matériel inédit, c'est-à-dire que c'est un disque en concert et dans son édition, je sais pas si c'est l'édition régulière ou spéciale, mais il y a un DVD qui contient aussi le concert qu'on n'a pas encore écouté, malheureusement. Mexico? T'as-tu ça? Non. Non? Concert où? Bonne question. Tu me prends un petit peu à court, là. C'est à quelque part en Europe. On va valider ça. Mm. On va entendre une pièce qui s'appelle I've Been Walking Part 2. C'est une pièce quand même assez longue. On connaît le groupe pour faire des pièces assez mélancoliques et ça fait pas exception. On va entendre aussi un deuxième extrait de ce Progressis numéro 80. Avec Annot Rule, son album Léviathan qui fait beaucoup de bruit, et c'est sur Black Widow, un label italien qui a l'habitude de nous faire découvrir des choses assez intéressantes. Et on pourra poursuivre avec Neodym, un très bon groupe de Montréal qu'on a vu à la convention Terra Incognita l'an dernier. Et pour revenir sur Progressis, parmi les chroniques que moi j'ai trouvées très intéressantes, il y a le Classic Rock, où ce qu'on retrace les meilleurs albums de Queen. Et il y a aussi dans la chronique I Love 90, une rétrospective de la carrière d'Asgard. Oh oui! On a beaucoup écouté Asgard dans les années 90, surtout Arcana. Mais dans son article, l'auteur, lui, il préfère Esoteric Poems. Moi, ça me surprend un petit peu parce que c'est peut-être celui que j'aime le moins. On va réécouter ça, je pense. Hein. Ça va nous replonger dans les années 90. Chose dont on s'est pas privé. D'ailleurs, on a écouté récemment leur premier, Gotterdam Rung. Et dans les albums événements, évidemment, il y a Steven Wilson qu'on va entendre en fin d'émission, mais avec Porcupine Tree, on vous dira pourquoi à ce moment-là. Et sur le Flash, il y a Anima Morte qui a sorti un très bon disque qui te plaît pas mal, toi. Et on apprend aussi que Anthony Phillips va sortir un coffret de 5 disques qui retrace sa carrière. C'est une anthologie qui s'appelle Harvest of the Heart. Il y a aussi une entrevue avec Beard Fish, où ce qui est question du rôle de Mike Portnoy dans leur carrière, le fonctionnement, de la façon dont ils fonctionnent. Il est aussi question d'un autre grand disparu, David Allen. Dans la chronique sur le Canterbury, on en apprend un petit peu plus sur la façon qu'il a mené sa carrière. Je ne sais pas si on aura le temps de parler un petit peu de l'approche du rock progressif. On en parlera peut-être un petit peu plus. C'est drôle parce que ça rejoint un peu une entrevue qu'on a vue sur Prog Montréal avec Robert Dansereau, avec Steven Wilson. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Parmi les interviews, il y a Anna Troll qu'on va entendre dans ce bloc-là. Alors, on va y aller immédiatement avec Gaspacho et la pièce I've Been Waiting Part 2. Turn the Depuis maintenant 20 ans, Pastissimo Maître Traiteur vous offre un choix de menus variés, abordables et axés sur la découverte des saveurs d'ici et d'ailleurs. Du cocktail dînatoire à grand déploiement jusqu'au menu approprié pour vos journées de formation, Pastissimo est votre référence en service traiteur. Pour tous vos événements de petite ou grande envergure, pensez à Pastissimo. Communiquez avec nous au 88 648 2805 ou consultez notre site web au www.pastissimo.com. Suivez-nous aussi sur Facebook pour connaître nos nouveautés et promotions. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Cet été, Québec fait un tour du monde au Mondo Carnaval. Les 4 et 5 juillet prochains, viens vibrer au rythme des différentes cultures au lieu historique national Cartier-Brébeuf. Réalise une véritable immersion culturelle à même Québec à travers la musique, la danse, les arts, le sport, la bouffe exotique et prends part au grand défilé carnavalesque estival. Les 4 et 5 juillet, ajoute de la couleur dans ton week-end. Visite le www.mondocarnaval.com pour tous les détails. Ce message est commandité par CKRL. Would you find yourself on the other side, fighting all the time? Would your heart skip a beat if I held your hand in search of a better life? Vous écoutez CKRL 89.1. You're like nothing, no. Well, you made your way past the underclass in search of a better time. Oh, we'll all hang out with the cultured club where the empty vessels hide. Oh, you're like nothing. Ben ouais, je me demandais si c'était une pub. C'est une pub de quoi, ça? C'est bizarre. Et nous sommes de retour. La dernière pièce qu'on a entendue, c'est Néodym, Fuite d'attention, de leur très bon dernier album qui s'appelle La signature du temps. Et juste avant, c'était Annot Rule, de son album Léviathan, et on avait débuté avec Gaspacho, qui, pour répondre à ta question, a été enregistré, Night of the Demon, aux Pays-Bas. Comme beaucoup d'albums live qu'on voit dernièrement, c'est toujours enregistré aux Pays-Bas. Il y a eu une époque que c'était enregistré à Katowice, en Pologne. En Pologne. Ben oui, puis là, maintenant, ils sont partis sur les Pays-Bas. Et c'est tant mieux. Peut-être qu'à un moment donné, on verra une flopée d'albums live qui seront enregistrés à Québec. Hein? Pourquoi pas? Il y en a eu. Arena avait enregistré un de leurs albums live à Québec. Et ben, en parlant de concerts, justement, il y a beaucoup de concerts qui s'en viennent, là. Hein? On va faire une récapitulation. Ben oui, ça en est rajouté des nouveaux depuis la dernière fois. On va essayer d'y aller en ordre. Au mois de septembre, les billets ne sont pas encore en vente. Ils devraient être possiblement en vente cette semaine. Riverside, le 19 septembre à Montréal, à La Tulipe. Le 20 septembre à l'Impérial, à Québec. Ensuite, en octobre, beaucoup de concerts en octobre. Le 1er octobre, c'est Three Friends à Saint-Hyacinthe. Le 2 octobre, ils sont au Palais Montcalm. Et le 3 octobre, à l'Olympia à Montréal. Le 23 octobre, c'est Saga à l'Impérial à Québec. Il n'y a pas d'annonce pour le moment à Montréal. Ensuite, le 29 octobre, au Centre d'Art-la-Chapelle, Mystery. Et en première partie, ça va être Claire Vézina. Oui, Claire va sûrement venir nous présenter quelques nouvelles pièces, j'imagine, lors de ce concert, mais elle devrait venir faire un petit tour à CKRL, possiblement. Ensuite, au mois de novembre, King Crimson. Le 13 et 14 novembre au Palais Montcalm. Le 16 et 17 novembre au Théâtre Saint-Denis. Et finalement, PFM. Le samedi 21 novembre au Palais Montcalm et le dimanche 22 novembre au Théâtre Rialto à Montréal. Bien, on ne s'ennuiera pas dans les prochains mois, même si ça va coûter cher. Oui, on va avoir un bel automne et un hiver assez confortable. Bon, et ben, on va poursuivre en musique avec Patterson and Iron. C'est un disque qui s'appelle Northland et ça va intéresser les gens qui aiment beaucoup Genesis pour diverses raisons. Il y a Steve Hackett qui joue ce disque-là, mais aussi ça sonne comme un peu comme du Genesis. Et c'est anglais. C'est un duo qui a pondu un disque qui est jugé assez intéressant. On va entendre aussi, pour rester du côté anglais, Osric Tentacle qui nous a offert un album double qui s'appelle Technicians of the Sacred. Et on va entendre une pièce qui s'appelle Ephiloloi. C'est un drôle de titre. Là. Et pour rester du côté anglais, pour faire une suite logique à ton énumération de concerts, on va entendre une pièce qui vient de The Element 2014 Tour Box de King Crimson. On va entendre une version instrumentale de Fallen Angel. Et allons-y en musique. Shelter from the storm. We cry ourselves to sleep. And I'll take away this moment wherever I go. Time will never sleep. A northern town we leave. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bière bouteille, 8 bières en fût, 10 bières bouteilles, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Ici Jessica Leb. Ce samedi de 13h à 14h, CKRL vous fait vivre l'événement Mondo Carnaval en plein cœur du lieu historique national Quartier Brébeuf. Deux jours, 40 spectacles, 30 pays, 400 artistes, on ne manquera rien. Les porte-paroles Marie-M et Luc Boivin seront avec nous. Soyez à l'écoute. Vous écoutez CKRL 89.1. Et nous sommes de retour avec, c'est une belle version de King Crimson, Fallen Angel, qui est une version instrumentale qui a été remixée par Steven Wilson, justement, pour le coffret de Road to Red et l'édition 40e anniversaire de, du même album. Et juste avant, on a entendu Osric Tentacle. Du nouvel album, un album double, Technicians of Sacred, et c'est, ça a débuté par Patterson and Aird, qui est un extrait aussi du Progressis numéro 80, le sampler qui vient avec le magazine. Et on poursuit avec un groupe qui s'appelle Native Construct. Et c'est un essai que j'ai fait en fouillant un peu sur Amazon. C'est une suggestion d'Amazon. Et on disait beaucoup de bien de ce groupe-là. On parlait un petit peu de jazz fusion. On comparait ça un petit peu à Mr. Bungle et des groupes un peu de ce genre-là. On va entendre The Quiet World, la pièce The Spark of Akron. Et là, on va parler un petit peu de Steven Wilson, parce qu'on va mettre une pièce de Porcupine Tree qui a été jouée lors du concert, c'est-à-dire Sleep Together, et une pièce assez spectaculaire. Et pourquoi ce disque-là, qui s'appelle Anesthetize? Ben, Anesthetize, c'est apparu en DVD, mais il y avait aussi la version CD, et cette fois-là, ben, ça sort sur un CD triple, deux CD, un DVD. En format CD. Et bon, Steven Wilson, comme on disait, il est passé à Montréal, il a fait une conférence de presse pour le festival de jazz. C'est une conférence de 45 minutes. C'est France qui a trouvé ça sur le site de Prog Montréal. Et ça a été mis là par les bons soins de notre ami Robert Dansereau. Ben oui, Robert qui est toujours aussi actif. Et dans cette entrevue qui nous est rapportée par Robert Dansereau, il a été question de Porcupine Tree, mais Steven Wilson a dit que ça ne sera plus jamais son objectif principal. Donc, ça ne sera pas sa priorité dans les prochaines années. Et Steven mentionne aussi qu'il y a beaucoup de curiosité pour tous les styles musicaux, puis lui, il se demande comment on peut s'arrêter à un seul style. Il dit qu'il achète 10 albums par semaine. On se demande où est-ce qu'il trouve le temps, parce qu'on sait qu'il travaille beaucoup, mais on se demande comment est-ce qu'il arrive à écouter tout ça. Et concernant la musique progressive, on sait que les T-shirts que je porte présentement, les maniaques de musique progressive, qui est une initiative... Sur la page Facebook de Maniaques de musique progressive, le T-shirt est initié par Louis Hamel. Ben oui, c'est lui qui a eu l'idée, je pense, a fait imprimer ça. Oui. Il les vend lors des concerts. Et Steven Wilson, quand il a vu ça dans la salle, il a posé la question, mais je vois des t-shirts, c'est quoi? Puis il demandait, c'est quoi qui est écrit là-dessus? Et il en a été question dans sa conférence de presse, où ce qu'il dit que il n'est pas possible de faire une musique qui a été jamais entendue, donc de progresser. Pour lui, la musique progressive, c'est une aberration. Il veut pas être associé à la musique progressive. Mais je l'ai mentionné un petit peu tantôt dans Progressist 80, il est question des approches du rock progressif, puis je pense quand on parle de musique progressive aujourd'hui, il faut pas voir quelque chose qui va révolutionner comme King Crimson l'a fait, comme Yes l'a fait, comme Genesis l'a fait, ou Van de Graaff Generator. C'est peut-être le terme là qui est prétentieux aujourd'hui là, de dire musique progressive, parce que The Watch font pas avancer la musique, par exemple, mais ils font quelque chose de drôlement intéressant à écouter. Et toutes les musiques qu'on a entendues aujourd'hui, Proud Peasant, entre autres, qui font quelque chose qui se rapproche un peu de Yes, un peu de beaucoup de Mike Oldfield. Ben, je pense qu'ils font quelque chose de très intéressant, mais ça révolutionne rien. On ne peut pas dire que c'est nouveau, que c'est du jamais entendu, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on attend de la musique progressive? C'est peut-être le terme qu'il va falloir changer. Mais encore là, quand on parle de musique indie, on fait référence à indépendant, mais le progressif est indépendant aussi, on n'appelle pas ça de la musique indie. C'est juste une étiquette. En tout cas, on pourra en discuter longtemps, mais disons que cet article-là m'a assez passionné, parce que en plus, ça va dans le sens de ce que disait Steven Wilson. Et justement, lors de ce concert, Steven Wilson, je pense qu'on ne l'a jamais vu aussi volubile. Il parlait, puis il faisait des farces. Il a même demandé s'il y a du monde qui était là à Montréal lors des spectacles de fin de semaine. Ben, il dit désolé pour vous autres, ça va être la même merde. Autrement dit, il appelait ça le same merde. Shit. Il dit ça va être les mêmes pièces, ça va être the same shit. Donc, la même merde. Je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup d'humour, parce qu'il n'y a rien de merdique, je pense, dans ce que Steven Wilson a fait lors de ce concert-là. Un concert parfait en tout point, je pense. Parfait. Même la corde de base qui a cassé. Qui a cassé, oui. Ça, c'est un peu particulier. Mais c'est le genre de choses qui arrivent en direct quand on est en concert comme ça. Donc, The Porcupine Tree, qui renie pas, mais qui ne sera jamais plus son objectif. Oui, c'est exactement. Il a joué Lazarus et Sleep Together, qu'on va entendre un petit peu plus tard dans ce bloc-là. Mais on débute avec Native Contract et Porcupine Tree tout de suite après. Dispassioned, why Thank you. This is your way out. Do or drown. Do or drown in torpor.